Mosaïque. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission Mosaïque. L'eau devient de plus en plus une denrée rare au niveau du Burundi et de la sous-région des Grands Lacs suite à l'action de l'homme. Des observateurs s'accordent à dire que la quasi-totalité des grandes rivières burundaises n'ont leurs ressources que presque dans la seule forêt naturelle de la Kivira. Ce n'est pas la seule, bien entendu. Mais heureusement, le pays a des eaux qu'il partage avec ses voisins, dont essentiellement la Rusizi et le lac Tanganyika. Qu'en est-il alors au niveau de la gestion? Le débat mosaïque aujourd'hui va porter sur la gestion commune de l'eau au niveau de la région des Grands Lacs. En quoi l'eau est une denrée essentielle? Peut-elle être une source de conflit entre pays? Mais surtout, comment procéder? Comment gérer cette ressource pour en faire plutôt un catalyseur de la coopération au développement socio-économique dans la région? Nous avons deux invités sur le plateau. Ambassadeur Albert Monerané, ancien ministre de l'Environnement, spécialiste environnementaliste, un grand ami de la nature. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Il y a docteur ingénieur Martin Daïzeye, directeur général de l'énergie au ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour et merci de m'avoir invité. La mise en onde est assurée par Alphonse Koubguimana et Jérôme Ndayishimiye. Réalisation de Vestine Boutoyi, à la présentation Léonce Bitariro. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Je vais adresser la première question à vous, ambassadeur Albert Monerané. En quoi est-ce que l'eau est une denrée essentielle au niveau national, sous-régional et même international? Merci beaucoup d'avoir pensé à parler de l'eau, parce que sans l'eau, la vie n'est pas possible. Mais aujourd'hui, il faut nuancer, sans l'eau propre, la vie n'est pas possible. Parce que quand nous avons de l'eau qui est salée, etc., ça devient une source de maladie. Mais si on ne consomme pas de l'eau, le corps est déshydraté et c'est fini. Donc ça, c'est au niveau, je dirais, national, international. Qu'on soit en Europe, en Amérique, en Afrique, tout le monde a besoin de l'eau. Mais aujourd'hui, avec la situation, disons, la planète Terre fait face aux effets des changements climatiques, il y a des sources qui tarissent, etc. Des gens qui ne savent plus comment trouver de l'eau. Et on se pose la question, comment est-ce qu'on va vivre? On ne pourra pas cuire, etc., tout ça. Alors, au niveau économique, quand vous voyez les utilisations de l'eau, que ce soit pour l'agriculture, l'énergie, etc., aujourd'hui, on se pose des questions. Si les sources d'eau tarissaient, si les rivières n'étaient plus alimentées, comment est-ce qu'on va vivre? Et puis après, il faut savoir que nous sommes au Burundi, mais il y a des cours d'eau que nous partageons avec les pays voisins comme le Rwanda, la Tanzanie, etc., ou bien la République démocratique du Congo. Ici, je prendrai deux cas. Nous avons le lac Tanganyika que nous partageons entre le Burundi, la Tanzanie, la RDC et la Zambie. Mais aussi, il faut ajouter le Rwanda aussi, même si c'est en amont, parce que nous avons des eaux qui viennent de la Kivu avec la Rusizi. Tout ça, ça fait qu'il y a des liens entre ces quatre pays. Donc là, si on ne traite pas comme il faut ces sources d'eau, le lac, les rivières, demain, on va se poser la question, comment est-ce qu'on va vivre? Il y a une question sur laquelle on va revenir. Est-ce qu'il peut y avoir des conflits liés à la non-bonne gestion des ressources en eau? On y arrivera après. Mais je dirais que, pour me limiter à cela, c'est que l'eau, c'est, je dirais, une denrée. Il faudrait éviter qu'elle soit rare. Mais comme je l'ai dit, que ce soit au niveau de la santé, l'agriculture, l'énergie, même le transport lacustre, si le lac venait à tarir, qu'est-ce qu'on va faire? Donc tout ça, c'est important. Donc il faut que les Burundais et les autres aussi sachent qu'il y a un bien que Dieu nous a donné, que nous partageons et que nous devons gérer de façon efficace. Un bien que Dieu nous a donné. Oui. La gestion de l'eau au niveau des nations de cette région des Grands Lacs, elle est comment? Bon, je dirais qu'il y a des initiatives qui ont été prises. Ici, je prendrai l'exemple du lac Tanganyika. Ça fait déjà dans les années 1990. Le Burundi se posait la question comment gérer le lac Tanganyika. Et puis la Tanzanie, etc. Il y a eu des bienfaiteurs qui ont donné des occasions aux Burundais de s'asseoir ensemble avec les gens de la Tanzanie, de la Zambie, de la RDC. Et c'est ainsi qu'en 2003, il y a eu la signature de la Convention sur la gestion durable des eaux du lac Tanganyika, une convention qui a été signée à Dar es Salaam. Et puis après, le Burundi a été le premier pays à ratifier cette convention. C'était la date du 22 juillet 2004. Et là, on a eu l'idée de créer la Journée nationale du lac Tanganyika pour se souvenir toujours de ce mécanisme de bien gérer les eaux du lac Tanganyika. Journée nationale du lac Tanganyika. Le 22 juillet depuis 2005. 22 juillet, il y a une journée chaque année du lac Tanganyika. Normalement, ça devrait se faire comme ça, mais... Est-ce qu'on célèbre ici au Burundi? C'était célébré au Burundi jusque vers les années 2018. Mais là, peut-être que ça risque de gêner les gens. Parce que depuis 2018, maintenant, nous avons un ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Alors qu'avant, c'était le ministère de l'Eau, de l'Environnement, etc. Alors, jusqu'en 2018, de 2005 jusqu'à 2018, le 22 juillet de chaque année, c'était la Journée nationale du lac Tanganyika. Mais aujourd'hui, on oublie. Donc on oublie, au ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines, et docteur ingénieur Martin Ndayizeye, est-ce que vous vous rappelez de cette journée? Est-ce qu'on célèbre? Merci. Sinon, je tends vers cette même question, la gestion au niveau de l'eau. De la gestion, oui. de l'eau, l'eau c'est la vie. Oui. Nous sommes... constitué de plus de 70% de l'eau. Mm-hmm. Alors, sans que nous ayons de l'eau, nous sommes rien. Mm-hmm. Nous sommes asséchés. Mm-hmm. Et c'est pour cela que j'allais dire, même pour le Burundi, notre pays, mm-hmm. et pour les pays limitrophes, l'eau, c'est une denrée nationale et régionale. Et même, je dirais, internationale ou même africaine, parce que nous avons de l'eau qui quitte le Burundi, plus spécifiquement la source du Nil, et qui alimente les pays du Nord, dont l'Éthiopie, l'Égypte, et d'autres pays en profitent. C'est pour cela que pour la protection de ce patrimoine, il a été mis en place des institutions comme les institutions de gestion comme le NELSAP, l'initiative du bassin du Nil. Il y a l'IGL, Énergie des Grands Lacs. Uh-huh. Ce sont des institutions qui permettent de mettre ensemble les pays et de pouvoir bien gérer ces eaux qui sont partagées entre les pays. Alors, j'allais vous dire que dans le secteur de l'énergie, nous avons plus de 90% de la production provient de l'eau. De la production de l'énergie au Burundi provient de l'eau. 90%. Plus de 90%. Mm-hmm. Encore plus, l'eau qui est consommée ici à Bujumbura, à hauteur de 80%, provient du lac Tanganyika. L'eau potable, je dis bien, provient du lac Tanganyika via la régie des eaux. C'était pour vous montrer que l'eau est une denrée nationale qu'il ne faut pas négliger. Mais le lac Tanganyika, on dit souvent, des opinions disent qu'il est souvent pollué côté burundais. Sachant que le lac Tanganyika se trouve à la périphérie, je dis bien, de la ville de Bujumbura, et connaissant que les déchets qui ne sont pas collectés s'acheminent via nos rivières vers le lac Tanganyika, alors on peut dire bien évidemment que toute pollution provenant de nos rivières transite directement et arrive dans le lac Tanganyika et le pollue. Mais ce n'est pas le Burundi, bien évidemment, seul qui pollue le lac, parce que si les autres pays n'ont pas d'initiative de gestion des déchets, alors dans ce cas, eux aussi, ils vont polluer le lac. Là-bas, je peux dire la ville d'Uvira qui pollue aussi. Il y a la ville d'Okalemi. J'avais donné un exemple. Donc, côté République démocratique du Congo. Côté République démocratique du Congo, bien évidemment. J'allais dire même notre barrage qui est conjointe entre les trois pays, le Burundi, la RDC et le Rwanda, qui un jour était rempli de déchets, de déchets ménagers. Quel barrage, précisément? C'était le barrage de l'Ozizi 2, qui a passé un certain temps sans fonctionner lorsqu'on était en train de faire le curage des déchets. Alors, si ces déchets n'étaient pas retenus par le lac, le barrage, il devrait acheminer vers le lac Tanganyika. Une petite question, et je vais également l'adresser à l'ambassadeur Monet Lannet. Est-ce que l'eau peut tarir? Est-ce que l'eau peut disparaître? Bien évidemment. Si l'eau n'est pas protégée, si l'environnement n'est pas protégé, l'eau va disparaître. Parce que l'eau est obtenue par le cycle des précipitations. Donc, il n'y a pas de précipitation sans arbre. On peut dire que l'eau, telle que nous la voyons dans les rivières, ne sera pas telle qu'elle est une fois que son entourage, son environnement ne sera pas protégé. Donc, à protéger. Est-ce que l'eau peut tarir? Est-ce que l'eau peut disparaître? Vous vous êtes posé une question. Comment est-ce qu'on va vivre si l'eau venait à tarir? Est-ce que l'eau peut tarir et disparaître? Si on ne fait rien, l'eau peut tarir. Si on ne fait rien, l'eau va tarir. Comme il vient de le dire, monsieur le directeur général, avec ce que nous observons aujourd'hui, avec la dégradation de la nature, parce que quand il pleut, il y a ce que nous appelons l'infiltration. Et s'il n'y a plus de, disons, des forêts, etc., qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir ce qu'on appelle le ruissellement. Donc, c'est l'érosion, etc. Tout ça, ça va déranger les cours d'eau. Mais avec le ruissellement, tout ça, si les sources ne sont pas alimentées, quand nous voyons ces rivières qui coulent, c'est que quelque part, il y a une source de provenance de la rivière. Alors, si ça tarit, le lac va tarir. Évidemment, vous allez me dire, non, ce n'est pas dans 5 ans, etc. Mais de toutes les façons, la qualité de l'eau du lac va souffrir. Il faudrait que tout le monde prenne conscience que sans l'eau, il n'y a pas de vie possible. Et que vous allez le voir peut-être que si vous lisez la politique nationale de l'eau qui a été promulguée, disons, adoptée par le gouvernement en 2009, l'eau sert à l'agriculture, l'eau sert à la pêche, à l'hydroélectricité, comme il l'a dit. Et puis, quand nous disons la santé, quand l'eau est polluée, les gens n'ont pas où puiser, ils vont prendre les eaux des rivières, ce sont des maladies avec le choléra, etc., tout ça, et vous allez voir ce que ça coûte sur la santé. Alors, je me dis qu'il ne faudrait pas faire en sorte que l'eau tarisse, il faudrait plutôt tout faire pour la protection de la ressource eau, ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau. Il faut que les sources soient bien protégées, etc. C'est quand je vois une rivière qui continue à couler, je me dis, ah, c'est bien. Mais si je traverse une rivière et qu'il n'y a plus d'eau, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et les gens vont se plaindre, Dieu nous a oubliés, alors que Dieu a dit, je vous donne le jardin d'Éden, cultivez-le, gardez-le. Mais nous avons oublié le mot de garder. Nous cultivons, et puis nous disons, qu'est-ce qui va se passer? Ambassadeur Albert Mbonne l'année 1976, il est créé la Communauté économique des pays de la région des Grands Lacs, CPGL, qui regroupe le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'était le Zaïre dans le temps. Comment est-ce que ces pays ont pu gérer en commun, en tant que membres de la communauté, cette ressource naturelle qu'est l'eau, pour leur intérêt, pour l'intérêt de leurs citoyens? C'est d'abord une bonne initiative quand les autorités se mettent ensemble pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour la bonne gestion des ressources en eau, et surtout pour l'intérêt de qui? L'intérêt de tout le monde. C'est le gagnant-gagnant. Là, je me dis que aujourd'hui, quand je vois comment ils se mettent ensemble pour la mise en place de quelques projets. Demain, je ne dirais pas que chaque pays regarde son développement, mais c'est un développement au niveau régional. Donc si nous avons une même source à capitaliser et que nous mettons les énergies ensemble, demain on pourra dire on développe un projet qu'on va partager, comme on le voit surtout avec les différents projets hydroélectricité dans la région. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Est-ce qu'il y a eu des échecs et des succès à travers cette création de la CPG, les activités qui ont été menées? Je me dis qu'il y a quand même quelques succès, parce que si on ne parlait que des échecs, on ne s'en sortirait pas. Mais comme on dit, barrage, l'Oustis 2, 3, et puis on avait le 4, c'est que quand même, il y a un point de départ. Et puis il y a les horizons qu'on voudrait atteindre. Quelle est la vision? C'est qu'il faudrait que ces pays, disons, qui constituent la même région, puissent toujours se mettre ensemble pour dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour développer notre projet. On a des besoins, il faut le dire. Et là, je dirais, je m'inspire souvent du savant Albert Einstein, celui qui disait que un problème sans solution est un problème qui est mal posé. Alors, si des pays se mettent ensemble pour dire, voilà l'état des besoins, ils se mettent d'accord, qu'ils constatent qu'il y a un besoin d'énergie, et ils disent, et maintenant, comment on peut sortir de cette situation? Et nous disons, nous partageons des cours d'eau, montons des projets, disons, communs, et on va voir, c'est tout le monde qui réussit. Monter des projets, comment? À partir de ces projets, nous avons monsieur le directeur général, Martin Ndayizeye, les eaux que nous partageons, le lac Tanganyika, la rivière Ruzizi. Vous avez parlé tantôt de Ruzizi 2, il y a aussi Ruzizi 3. Qu'est-ce que ces pays, dont le Burundi, sont en train de faire pour développer cette énergie à travers ces eaux qu'ils partagent? Ok, mais merci. Les eaux que nous partageons entre le Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce sont des eaux qui nous aident beaucoup dans le secteur de l'énergie, plus spécifiquement. C'est pour cela que le CPGL a mis en place l'IGL, Énergie des Grands Lacs, qui doit s'occuper de ces rivières, du bassin du Congo, et qui servent dans la promotion des projets hydroélectriques. Là-bas, comme vous venez de le dire, nous avons la centrale de Ruzizi 1, Ruzizi 2, qui sont fonctionnelles depuis et qui nous offrent de l'énergie, et l'énergie produite est partagée entre les trois pays équitablement. Et la gestion aussi est équitable, parce que vous avez un directeur général qui est rwandais, par exemple. Il y a le directeur technique qui devient burundais ou bien congolais, et vice-versa. Donc, la gestion de l'eau conjointe ne peut pas se faire par un pays seulement, mais c'est partagé entre les pays. C'est pour cela que tout projet qui est en développement doit être décidé par les trois pays. Et là-bas, j'allais dire qu'il y a le projet qui est en développement, celui de Ruzizi 3, dont les études sont terminées, la mobilisation des financements aussi terminée, et qu'on est dans la phase de recrutement des entreprises qui vont faire le projet. Donc, c'est un projet régional. Justement, c'est la question que je voulais vous poser. 2015, il y a la Banque africaine de développement qui approuve un prêt de 238 millions de dollars, n'est-ce pas, pour financer le projet Ruzizi 3 pour la production de 147 mégawatts, c'est ça? Oui. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le projet avait eu la promesse de financement, mais après on a constaté que la puissance pouvait être augmentée de 147 à 206 mégawatts, ce qui a demandé que les études soient faites de nouveau. Alors on a passé une période depuis 2018 à 2022 à l'actualisation des études. Maintenant, ça a été conclu que cette centrale de Ruzizi 3 fournira une puissance de 206 MW. Et bien évidemment, vous comprenez que les fonds qui étaient dédiés allaient aussi augmenter. C'est pour cela qu'on est passé à la mobilisation des des fonds additionnels mm-hmm. afin de compléter tout le paquet nécessaire pour la réalisation de ce projet. Mm-hmm. Alors maintenant, l'étape qui est en cours, c'est le recrutement de l'entreprise de construction mm-hmm. et le recrutement de l'entreprise de surveillance. Mm-hmm. Après ça, nous verrons que les travaux vont commencer. Et ambassadeur, c'est dans la même logique. En quoi est-ce que ces pays, dont le Burundi, pourraient s'attendre à ces projets d'électricité au niveau sous-régional, le Rwanda, le Burundi, la RDC, à travers justement ces eaux que nous partageons? Oui, c'est comme je le disais, c'est bien que les trois pays aient constaté qu'il y a un domaine, je dirais, partagé au niveau régional, c'est l'eau. Parce que si nous laissons la rivière couler comme ça, c'est bien, c'est la vie de la rivière. Mais le Créateur a mis tout ça à notre disposition avec un esprit de bonne gestion. Et comme je le dis, c'est déjà un pas que les trois pays, dont le Rwanda, le Burundi, la RDC, aient constaté qu'il y a un patrimoine commun qu'on peut partager. Et comment l'utiliser? Parce que ce que nous cherchons, c'est toujours l'intérêt de la population, l'intérêt des pays. Alors si il nous manque de l'électricité, il y a des fois des secteurs du développement qui ne vont pas réussir. Mais si nous disons, en utilisant ces eaux des rivières, on peut produire de l'énergie. Avec l'énergie, on avance dans le développement. Alors, pourquoi est-ce que les trois pays se mettent ensemble? Chacun pourrait dire, moi, je vais prendre l'eau qui vient de... Non. Maintenant qu'ils disent la rivière Rusizi, ou bien mettons Kivu, parce que ça alimente aussi la rivière Rusizi. Si le Congo disait, je prends ma partie, le Rwanda prend sa partie, le Burundi prend sa partie, est-ce que les résultats attendus vont réussir? Je ne pense pas. Mais si on met ensemble toutes ces capacités et qu'on dit, maintenant on met en place un système de co-gestion pour nous rendre sûr que ce que nous avons visé pour 2050, on puisse y arriver, les choses vont marcher. Donc c'est une bonne chose, comme je viens de le dire, avec ces études qui ont été retouchées pour dire la situation d'aujourd'hui, c'est comme ça. Si nous voulons avoir 206 mégawatts, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est la mobilisation des financements, etc. Et puis aussi la bonne gestion. Et cette bonne gestion, c'est que le Burundi, le Rwanda, la RDC se disent, voilà, nous avons un comité conjoint pour surveiller tout ce que nous allons faire. Et c'est tout le monde qui gagne. Il y aurait un autre projet, n'est-ce pas, Martin Ndayizeye, directeur général au sein du ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Il y avait un autre projet de Rusizi 4, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'on va s'en passer ou bien on va continuer? Les projets hydroélectriques, ce sont des projets qui prennent du temps. Mm-hmm. Ça, il faut le comprendre. Mm-hmm. Les études, celles... Et surtout au niveau de la région. Prennent du temps. Mm-hmm. Au niveau de la région, on doit s'entendre. Mm-hmm. La mutualité de gestion. Deuxièmement, il faut mobiliser les fonds. Mm-hmm. Ce sont des fonds qui ne sont pas négligeables. J'allais dire que maintenant, on s'est focalisé sur l'Uzizi 3 mm-hmm. afin de lancer les travaux. Et après, on va entamer l'Uzizi 4. Mm-hmm. Mais il faut aussi comprendre que le financement de ces projets provient des mêmes institutions. Mm-hmm. Alors, sans qu'on puisse combler le gap qui était à l'Uzizi 3, mm-hmm. on ne pouvait pas s'attaquer à l'Uzizi 4 sans que celui-ci ait eu des financements suffisants. Ambassadeur Albert Mbonerané, vous avez parlé tantôt, vous avez évoqué des cas où s'il advient que chaque pays veuille prendre sa partie, une partie. Est-ce qu'il y a un pays qui pourrait prendre une grosse ou grande partie des eaux? Par exemple, le Congo, prendre une grande partie pour le lac Tanganyika, ou la Rusizi, etc. Et qu'est-ce qui pourrait rester pour le Burundi? Oui, je me dis que pour le lac Tanganyika, ça sera un peu difficile. Mm-hmm. Mais nous savons, au niveau de la géographie, on dira que le Burundi ne dispose qu'à peu près 7% de la superficie totale de la Tanganyika. Mm-hmm. Il y a le Congo, la Tanzanie qui prennent la grande partie et puis la Zambie. Il serait difficile de construire des murs pour dire ça, c'est la frontière. Mais ce que l'on doit faire, c'est que les pêcheurs, par exemple, ils connaissent ça. Quand ils vont pêcher, ils traversent la frontière avec le Congo. On dit, vous avez dépassé, ok. S'ils vont vers Kigoma, là, on leur dit, ça, c'est pas la zone du Burundi. Maintenant, ils le savent pour éviter qu'il y ait des conflits, comme ça, ça peut aller. Mais pour la rivière Rusizi, imaginez-vous que si le Rwanda disait « maintenant je prends ma partie », qu'est-ce que ça va faire? Ça s'est passé avec le Nil il y a quelques années. Il y a un savant qui s'appelle Hérodote qui a dit que l'Égypte sans le Nil ne pourrait pas survivre. Mm-hmm. Et puis à un certain moment, c'était en Éthiopie où on construisait un barrage, etc. Donc un barrage, il le sait. C'est-à-dire que vous bloquez l'eau qui coulait jusque vers l'Égypte n'arrivait pas en quantité habituelle. Ah bon. Alors il y a eu un conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie. Et d'où alors, pour éviter cela, ils ont dit, maintenant il faut créer ce qu'ils ont appelé l'initiative du bassin du Nil, pour que les 11 pays qui partagent le Nil se mettent ensemble. S'il faut construire un barrage comme vous êtes en train de faire avec le Somo Falls, tous les pays, disons, qui partagent le bassin du Nil, ils sont d'accord qu'on peut construire un projet. Et puis il ne faudrait pas que demain l'Égypte dise pourquoi est-ce que vous avez bloqué les eaux du Nil. Je donnais un exemple, c'était au Kenya, ça c'est interne, mais c'est pour vous montrer que ce qui se passe à l'interne, ça peut se passer aussi à l'extérieur, parce qu'il y avait deux collines, parce que nous disons il y a un amont, il y a un aval. Alors il y avait un clan, un cours d'eau qui traversait quelques collines, alors il y a une colline qui avait fait des champs de légumes, etc. Et il manquait de l'eau pour arroser, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bloqué carrément, ils ont dévié le cours d'eau pour alimenter le champ de légumes. Alors, la colline, disons, les habitants qui étaient sur la colline en aval, en se réveillant le matin, ils ont trouvé qu'il n'y avait plus d'eau. Alors, ils ont pris des machettes, ils sont montés pour voir ce qui s'était passé. Ils ont trouvé qu'il y avait justement cette déviation et ils ont cassé. Les autres, quand ils se sont réveillés, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a eu des tueries entre ces gens-là. Alors, ça, c'est un conflit interne, mais ça a été une leçon pour le Kenya. Depuis, ils ont mis en place une autorité de régulation des cours d'eau. Aujourd'hui, au Kenya, personne ne peut toucher sur un cours d'eau sans l'autorisation de cette autorité nationale. Isanganiro. Donc, pour conclure, finalement, que l'eau devient un bien commun. C'est un bien commun. Et pour que un bien commun soit bien géré, il faut se mettre ensemble. On ne va pas parler de mémorandum d'entente, etc. Mais il doit y avoir des conventions, comme on a la convention sur l'acte Tanganyika, etc. Ou bien pour la Rusizi. Je tiens à rappeler que le débat mosaïque aujourd'hui portait sur la gestion commune de l'eau au niveau de la région des Grands Lacs. En passant, il faut rappeler que nous sommes avec deux invités, à savoir ambassadeur Albert Mbonelane, ancien ministre de l'Environnement, ami de la nature, expert en environnement, ainsi que docteur ingénieur Martin Daïzeye, directeur général de l'énergie au sein du ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. Et question à vous, docteur ingénieur, directeur général, quel serait l'état des lieux aujourd'hui pour la gestion de l'eau en tant que ressource commune au niveau de la région des Grands Lacs? La gestion de l'eau, comme on a dit que c'est un patrimoine commun, aucun projet dans le cadre de l'électricité ne peut pas se faire sans consentement de tous les pays membres. C'est pour cela que, avant de conclure un projet, les trois pays doivent s'asseoir ensemble, négocier, s'entendre sur la procédure de partage de la production. Oui. Alors là-bas, je dirais que pour toutes les centrales que nous partageons avec la RDC, le Rwanda et le Burundi, la production est partagée en trois parties. Et chaque pays prend sa part équitable. Donc, la gestion conjointe dans le cadre de l'énergie, elle est établie depuis et est fonctionnelle. Donc, il n'y a aucun problème. Est-ce que cette ressource naturelle qu'est l'eau peut faire objet de conflits entre pays voisins. Un mot à placer là-dessus. Ah oui, c'est une situation que je viens d'évoquer, mais oui, il a dit tout à l'heure à partir sur, de la situation de l'Égypte et de l'Égypte et de l'Éthiopie, lorsqu'on construisait la grande centrale Renaissance. Mm-hmm. Donc il y a eu un conflit même qui allait même être un conflit armé. Mm-hmm. Et c'est pour ça que si je reviens dans notre bassin du Congo. Si la gestion n'était pas équitable, je suppose que les conflits seraient déjà là. Chaque pays des trois a besoin de cette eau. Alors, s'il y a un besoin et qu'on vous prive de ce besoin, vous comprenez bien que le conflit naît à partir de là. Je peux vous donner un exemple qui s'est produit ici au Burundi lorsque la situation de Sabanegwa, et lorsque l'eau avait dévié et est passée du côté burundais, et que le Rwanda disait « c'était parti, m'appartient ». Vous avez eu la situation qui s'est passée, mais ça a été calmé, mais c'était un conflit, mais ce conflit était causé par l'eau qui sépare les deux pays. Ambassadeur Albert Bonnerané, qu'en est-il pour les êtres vivants se trouvant dans les eaux? Que partagent ces pays? Mais disons qu'avant de répondre à cette question, je voudrais placer un mot là-dessus par rapport au conflit. Au conflit, oui. Donc pour éviter qu'il y ait des conflits, vous voyez au niveau du lac Tanganyika, qui est partagé entre quatre pays, le Burundi, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Et pendant des années, on se pose des questions, mais comment gérer cette eau? Parce que les gens de la Zambie, ils ont besoin de savoir comment la partie burundaise est gérée, etc. Alors c'est ainsi qu'en 2003, il a été signé une convention sur la gestion durable des eaux du lac Tanganyika, une convention signée par les quatre pays. Et le Burundi a été le premier à, comme je le disais, à ratifier cette convention. Donc ce sont des mécanismes d'entente pour dire, attention, le lac Tanganyika c'est un bien commun, il faut bien gérer ce lac, et nous avons l'autorité du lac Tanganyika qui est basée ici à Bujumbura. La direction change. Si aujourd'hui c'est quelqu'un de la Zambie, 4 ans après ça sera peut-être la Tanzanie. Donc c'est, je dirais, rotatif pour dire que chaque pays a son rôle à jouer pour ne pas dire, pour vous faire des choses qu'on ne connaît pas. Alors pour ce qui est des êtres qui vivent dans ces... disons, dans le lac Tanganyika, parce que dans la Rusizi, ça serait difficile de savoir parce que ça coule, etc., tout ça. Oui. Là, je dirais que ces êtres halieutiques sont, je dirais, plus ou moins menacés par la pollution de différentes natures. Quand nous voyons les déchets que nous jetons dans les rivières, etc., dans les caniveaux, je dis, il faut voir le niveau du lac Tanganyika, ici à Bujumbura. Nous avons un niveau qui est bas, et puis vous avez la ville de Bujumbura, et puis après vous avez les collines qui surplombent la ville de Bujumbura. Alors, quand il pleut, évidemment, il y a une grande turbidité des eaux. Et les déchets que nous jetons dans les caniveaux, dans les rivières, ça débouche vers le lac Tanganyika. Tellement qu'un jour, le lac Tanganyika a été fâché contre les rivières, surtout la rivière de Ntahangwa, qui est le doyen de ces rivières. C'est le doyen des rivières. Qui se jette dans le lac. Oui, oui. Alors, le lac Tanganyika a posé la question à Ntahangwa, pourquoi est-ce que vous ne faites que m'amener des déchets? Alors, Ntahangwa n'était pas vraiment à l'aise. Il a dit, mais quand vous voyez les déchets que les cohabitants jettent dans mon sein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a qu'une seule solution. La destination, c'est votre sein, le lac Tanganyika. Alors, il a dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, en tenant des conseils, chaque rivière devait présenter ses doléances. Et là, quand on dit aujourd'hui, les poissons, il n'y a plus de poissons, qui disent cela? Ce sont les consommateurs. Les consommateurs. Il y a aussi les pêcheurs qui vivent de la pêche. Si en 2015, ils produisaient 10 tonnes de poissons, aujourd'hui on ne produit que peut-être 5 tonnes, vous voyez que le coût, disons, les bénéfices diminuent et on se pose des questions. On doit se plaindre, Dieu nous a oubliés, etc. Alors que Dieu a mis le lac Tanganyika à notre disposition. Imaginez-vous quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. Et vous allez lire, ça c'est, il faut bien souligner, hein, c'est le livre de la Genèse dans la Bible. Ok, chapitre 2, verset 15. Il les met dans le jardin d'Éden et il dit, maintenant le jardin c'est à vous, mais vous devez le cultiver et le garder. Et aujourd'hui quand nous allons pêcher, qu'est-ce que ça signifie? C'est cultiver, il faut me donner. Mais le lac Tanganyika, au lieu de le garder, nous lui donnons des déchets. Alors les poissons, ils doivent fuir ou bien ils doivent mourir. Alors ça, c'est une question que nous devrions nous poser. Un jour, on célébrait la journée du lac Tanganyika. Le thème, c'était le lac Tanganyika n'est pas un dépotoir. Et le lac semblait être content qu'on a pris conscience de cela. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe dans certains endroits, c'est vraiment un dépotoir. Alors quand il y a un dépotoir, c'est comme si vous êtes dans un quartier, vous entendez des coups de feu, etc. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous vous cachez ou bien vous fuyez. Alors si le lac devient un dépotoir, les poissons, les êtres halieutiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent fuir. Et quand ils fuient, c'est qui perd? C'est nous qui faisons la pêche et puis les consommateurs, etc., tout ça. Mais si on prenait soin des eaux du lac Tanganyika, parce qu'on dit que c'est un des grands réservoirs d'eau douce dans le monde. Il faudrait éviter que demain, en 2040, nos petits-enfants disent « Mais comment est-ce qu'on va vivre ?» Alors que nous devons tout préparer aujourd'hui pour que le lac Tanganyika reste en 2040-2050 un réservoir d'eau douce dans le monde. On aura de l'eau à boire, on aura des poissons à manger, à vendre. Tu vas voir les devises qui vont entrer dans le pays. Qu'est-ce qu'il advenait, ambassadeur? Vous parlez de Nahangwa, doyen des rivières qui se déversent dans le Tanganyika, qui amènent des déchets dans le lac. Et il n'y a pas que la Nahangwa. Il y a des rivières qui proviennent de, bien sûr, du Burundi. Il y en a d'autres qui proviennent de la RDC, de la Zambie. S'il advenait que toutes ces rivières-là, à travers tous ces pays riverains, ne déversent que des déchets. Finalement, le lac devient une marée noire, donc il n'y aura plus d'eau à consommer, il n'y aura plus de poissons. Peut-être les hippopotames, parce qu'ils bougent, ils peuvent se déplacer un peu, mais ça sera difficile. C'est ça. Mais c'est qui perd? C'est les Burundais, les Tanzaniens, les Congolais, etc. Tout ça, tout le monde. Maintenant, c'est qu'il devrait y avoir, comme je disais, nous avons cette convention sur la gestion durable des eaux du lac Tanganyika. Ça, c'est mon souhait, qui a été signé, c'était le 12 juin, je crois, 2003. Il faudrait qu'aujourd'hui, les chefs d'État, nos chefs d'État, se mettent ensemble un jour. Ça me ferait plaisir, vraiment, le lac Tanganyika sera content. Le conseil sera bien, vraiment bien, pour dire maintenant... Oui, parce que ça serait une occasion pour nos dirigeants d'échanger sur l'état de santé du lac Tanganyika et qu'est-ce qu'on peut faire. Maintenant, il faudrait passer à l'évaluation. Peut-être on va trouver un bienfaiteur qui va nous donner un financement pour passer à l'étape d'évaluation de la mise en œuvre de cette convention sur la gestion durable des eaux du lac Tanganyika qui a été signée en juin 2003 à Dar es Salaam. Pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on s'était dit, quel est le contenu de la convention, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait, et qu'est-ce que nous voulons que le lac Tanganyika soit en 2040-2060. Tu vas voir, parce que sans les eaux du lac Tanganyika, à Bujumbura, la régie va nous donner quoi? Ça sera difficile. Hein? Qu'est-ce que nous voulons que le lac Tanganyika soit en 2040, 2070, 2000 combien? Docteur ingénieur Martin Ndayizeye du ministère de l'énergie, de l'hydraulique, de l'énergie et des mines. Je posais la question tantôt, s'il advenait que ces rivières n'exportent ou ne transportent que des déchets dans le lac Tanganyika, les rivières de tous les pays riverains, le résultat serait comment? Vous comprenez bel et bien que les déchets sont des déchets, oui, sont des polluants. Alors, si le lac Tanganyika est pollué, donc ce sont les vies humaines des villes riveraines qui seront en danger. Oui. Donc c'est la population et de la ville de Bujumbura qui boit de l'eau provenant du lac Tanganyika qui sera menacée. Mm-hmm. Donc ce sont des vies humaines qui vont perdre. Mm-hmm. Alors, ce que j'allais dire de la pollution, je pense qu'il est temps que la population puisse se ressaisir et comprendre que jeter un déchet dans la ville égale aller le jeter dans le lac Tanganyika, parce que après l'avoir jeté dans la ville et dans le quartier, les eaux de ruissellement vont emporter et vont conduire vers le lac. Pour dire que celui qui a jeté ce déchet, il est la source de la pollution du lac. Et c'est dans ce même lac que nous tirons de l'eau à boire et que nous alimentons la même personne. Ça revient à comprendre que c'est comme prendre un verre d'eau, mettre des déchets et boire. Alors, vous comprenez bien que ce n'est pas pour même Bujumbura seulement, mais c'est pour même toutes les villes qui se surplombent le lac Tanganyika, dont Uvira et d'autres villes qui sont au bord du lac Tanganyika. En quelques mots, M. Martin, vous voulez dire que chaque citoyen est finalement responsable au niveau de cette Bien gens. Évidemment, bien évidemment. Chaque citoyen est responsable de ses actions. Lesquelles actions vont à la protection de l'environnement. Il faut que chaque citoyen puisse lui-même se ressaisir et dire « Je dois faire tout pour protéger le lac Tanganyika, pour protéger les rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika et bien évidemment pour protéger toutes les rivières du pays. » Et cela peut aller même dans le sens de la protection, sinon de la propriété des villes. Il ne faut pas que nous continuions à vivre dans des villes qui sont polluées par nous-mêmes. C'est pour ça que chaque citoyen doit comprendre qu'il doit faire son coup de main pour ne pas polluer la ville qui, à son tour, vient polluer les rivières. Des propositions de solutions. Comment procéder? Nous parlons de cette gestion commune de l'eau au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Comment procéder pour que la gestion de l'eau soit plutôt un catalyseur de la coopération au développement socio-économique au niveau de cette région? Il faut développer des projets. Il faut développer des projets dans le premier sens de développement des pays, dont les projets hydroélectriques. Il faut continuer à les développer et à les mettre en place. Et en deuxième lieu, il faut développer des projets de protection environnementale. Là-bas, j'allais vous donner un exemple que tout projet hydroélectrique a un volet de protection environnementale. Là où nous mettons le barrage hydroélectrique, dans l'amont, on plante les arbres, on prend une zone de protection de son barrage et on protège à plus de 3 km pour qu'il n'y ait pas la pollution de la zone du barrage. Et cela incombe aussi alors tous les pays, si ce n'est pas fait par tous les pays, mais les projets hydroélectriques envisagent cela. Je ne pense pas qu'ils peuvent nier ça. Ça se fait sur toutes les rivières. Mais ce que j'allais dire, les projets hydroélectriques ne polluent pas la nature. Donc, nous prenons de l'eau, nous l'utilisons, nous la laissons aller. Pour dire qu'il n'y a pas une pollution lorsqu'on fait des projets hydroélectriques, je dirais à court de l'eau, que nous sommes habitués à faire ici au Burundi. Mais ce qui va polluer la nature, c'est la population environnante qui ne respecte pas les normes environnementales qui sont mises en place. C'est pour cela que même quand nous trouvons un citoyen qui entre dans la zone du projet et qui commence à défricher ou bien à couper les arbres, donc il doit être puni. Est-ce que vous mettez des fois à sensibiliser la population pour une fois que vous êtes en train de mettre en application ces projets, des programmes d'électricité, par exemple? C'est bien évidemment la mission de la Direction générale de l'énergie. Sa mission est de sensibiliser la population quant à la bonne tenue des zones du projet et quant au respect des normes environnementales de la zone du projet. Oui. Ambassadeur Albert Mbonelane, comment procéder pour que cette gestion de l'eau soit un catalyseur de la coopération au développement socio-économique au niveau de la sous-région des Grands Lacs? Ok, je dirais que ce que je veux dire, ce sera comme un complément. Donc il faudrait développer des projets, surtout qu'aujourd'hui, où la planète est fait face aux effets des changements climatiques, il y a ce que nous visons, c'est ce qu'on appelle la finance verte. Il faudrait voir si réellement, finance verte, ou bien ce qu'on dit aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est-à-dire quand vous développez un projet, comme il a dit, il faut voir d'abord quel est son impact environnemental et social. Comment le projet va cohabiter avec le cours d'eau qui alimente le lac, etc., tout ça. Et puis, ok. Une autre chose, c'est, il a déjà dit, c'est la sensibilisation. Il faudrait que, maintenant je vais vous recommander une chose, il faudrait que la Direction Générale de l'Énergie collabore directement avec la Direction Générale de l'Environnement et des Ressources en eau, parce que si vous faites ceci comme ça, les autres ils font comme ceci, des fois il y a des chevauchements, mais si... Je sais qu'à un certain moment, on travaille sur la région de Gitega, et il y avait vraiment une bonne collaboration entre la Régie des eaux et la Direction générale des ressources en eau et d'assainissement pour dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et là, ça montrait bien que la vision est la même. Il faut servir la population, mais tout en ne détruisant pas l'environnement. Et puis aussi, comme il vient de le dire, la protection de l'environnement incombe à tout citoyen. Il ne faut pas dire que cette chose ne me concerne pas, mais je voudrais aussi, il faudrait peut-être mobiliser de quelques frais pour regrouper les administratifs, même si on commençait par une zone pilote, disons la ville de Bujumbura, les administrateurs, etc., le maire de la ville, etc., pour leur dire quelle est la situation de l'état environnemental dans la ville de Bujumbura. Nous parlons des déchets. Monsieur le directeur général, vous me direz que quand vous passez comme ça, vous ne voyez pas vraiment un tas de déchets au bord d'une rivière. Et dans cette zone, il y a un chef de zone. Comment est-ce que ça se fait que les gens amènent les déchets, ils les jettent là-bas, tout en sachant que demain, quand il va pleuvoir, tous ces déchets vont couler vers le lac Tanganyika. Donc si on commencer à sensibiliser les administratifs, comme ça ils peuvent dire dans un quartier, attention chers amis, si nous trouvons que vous avez encore jeté ces déchets ici, vous serez punis. Mais si on sautait, nous les Burundais, nous nous taisons et puis nous continuons à faire des choses comme ça bizarres. Donc ça serait une bonne chose comme ça. Demain on dira, après une année, avoir tenu cet atelier disons, pas de sensibilisation comme thème, mais d'éclaircissement pour dire quel est le rôle de chacun dans la protection de l'environnement, pour l'intérêt de la protection de notre patrimoine commun. Après une année, on va circuler dans une zone comme ça pour dire qu'est-ce qui a changé. Et là, on va trouver un prix de 200 000 pour dire voilà la commune qui a bien réussi. Donc, ça serait une bonne chose. Comme ça, ça stimule les gens pour comprendre que si on ne protège pas l'environnement, il ne faudra pas continuer à se plaindre que Dieu nous a oubliés alors que nous avons notre rôle à faire. Au début de l'émission, vous avez évoqué, ambassadeur Mbonelane, la date du 22 juillet. À partir de 2005, on a commencé à célébrer la journée du lac Tanganyika. C'est finalement la journée régionale ou sous-régionale du lac Tanganyika. Est-ce que vous attendez un jour qu'elle soit célébrée aujourd'hui avec probablement une force plus vigoureuse qu'avant? Oui, excusez, c'est un défi du moment. Quand nous avons créé la journée, bon, j'étais encore aux affaires de l'État, comme on avait signé la convention en juin 2003 à Dar es Salaam, et quand il y a une convention régionale ou bien internationale, l'État peut souvent c'est la, disons, ratification. Donc chaque pays doit ratifier pour dire maintenant cette convention entre dans le système légal de notre pays. Et là, le Burundi a été le premier pays à ratifier cette convention. C'était le 22 juillet 2004. Et puis après, j'ai approché Son Excellence le Président de la République de l'époque, Domitien Ndayizeye. Je lui ai partagé cette idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer, pour ne pas oublier cette date-là, créer une journée nationale du lac Tanganyika? Alors il a dit très bien. Alors le 22 juillet 2005, c'est là où on a célébré la première journée nationale du lac Tanganyika. Évidemment, nous avions souhaité que ce soit une journée, je dirais, régionale, mais les autres pays n'ont pas, comme ils avaient ratifié à leur date, etc., tout ça. Alors, disons tout le 22 juillet, si ça tombait dimanche, bien sûr, on devait faire ça lundi ou un autre jour, mais c'était un cadre d'expression pour dire il faut protéger la ressource eau de la biodiversité du lac Tanganyika. Ça continuait comme ça avec les appuis des partenaires qui soutenaient le ministère en charge de l'eau de l'environnement, comme la coopération allemande, comme à l'époque il y avait aussi Chemonix de USAID américain. Et puis après, il y avait aussi la coopération suisse, etc. Mais depuis le 19 avril 2018, quand on a combiné les deux ministères, l'environnement et l'agriculture, progressivement on a oublié cette journée du lac Tanganyika. Ça serait une bonne occasion de se dire maintenant le lac Tanganyika continue à crier, il faudrait entendre sa voix. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape Benoît XVI qui est décédé le 31 décembre 2022 qui disait, c'était en 2008, la terre nous parle, écoutons ce que la terre nous dit si nous voulons survivre. Alors j'ai essayé de paraphraser, le lac Tanganyika nous parle, écoutons ce que le lac Tanganyika nous dit, parce que nous avons besoin du lac Tanganyika et le lac Tanganyika a besoin de nous. C'est ce que nous appelons la bonne cohabitation, donc c'est la création. Donc cette journée-là, je me souviens, on a organisé des activités de ramassage des déchets au bord du lac Tanganyika ou bien avec la destruction de la jacinthe d'eau pour que la biodiversité continue à se produire. Et là, même à Rumonge, on est allé un jour pour dire voilà ce que nous vivons à Bujumbura, même à Rumonge, on voit des déchets qui sont là-bas et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est un cadre de sensibilisation des riverains du lac pour dire attention, si on ne protège pas le lac Tanganyika, ça sera difficile. Maintenant, donc, la biodiversité aujourd'hui est en train de disparaître. Et si la biodiversité n'est pas protégée, qui perd? C'est pas le lac Tanganyika qui perd, c'est nous qui perdons. Mais le lac Tanganyika serait content si les Burundais, les Congolais comprenaient que c'est un bien commun. Un bien commun, il faut l'entretenir pour l'intérêt de tout le monde. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que nos petits-enfants en 2040, s'ils trouvent qu'il n'y a plus de poissons, ils vont seulement sur Google, ils vont trouver le lac Tanganyika, il y avait des poissons au top, combien d'espèces, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun poisson. Qu'est-ce qu'on va dire? Là, je vais un peu y revenir, ambassadeur, oui. Même si le temps presse. Docteur ingénieur Martin Ndayizeye, le lac Tanganyika nous parle, écoutons ce qu'il nous dit. C'est ce que vient d'évoquer. Si nous voulons bien survivre. Si nous voulons bien survivre. C'est ce que évoque ambassadeur Mbonerane. Qu'est-ce que le ministère devrait faire pour bien écouter et mettre en application ce que nous dit le lac Tanganyika? Les responsabilités du ministère. Pour le ministère de l'hydraulique, de l'énergie et des mines, la protection du lac Tanganyika incombe les zones de ces projets. Là où nous avons les projets, nous faisons tout le nécessaire pour protéger l'environnement. Des projets essentiellement hydroélectriques. Là où nous avons les projets hydroélectriques, nous faisons tout possible pour que la zone du projet soit protégée. Alors, à ce qui est de la protection directe du lac Tanganyika vis-à-vis des villes riveraines, je pense que ça incombe à un autre ministère, le ministère de l'environnement. Ah, oui. Oui, mais nous ne manquons pas cet esprit aussi de sensibilisation quant à l'usage propre, de l'eau propre, donc de l'eau potable. Et c'est pour ça que j'allais dire que le ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines n'est pas directement impliqué dans la protection directe du lac Tanganyika, mais est impliqué dans la protection des projets qui viendraient polluer, des projets hydroélectriques qui viendraient polluer le lac Tanganyika. Merci. Un mot pour clore l'émission, ambassadeur Bonelane, vous évoquez l'année 2040 où des enfants, petits-enfants vont poser. Ils sauront qu'il y avait dans le temps des poissons. Et il y a quelque chose qui est écrit, une lettre écrite en 2070. Je pense que vous pouvez avoir un mot à placer. Il y a de la nostalgie qui pourrait voir qu'il y a eu des assèchements, tout un tas de problèmes. Lettre écrite en 2070, c'est alarmant. Ambassadeur, en quelques mots, il y a le temps qui presse. Oui, je dis que je vais résumer ça. Pour ceux qui ne connaissent pas cette lettre-là, l'écrivain disait qu'à un certain moment, quand il avait 5 ans, il ne comprenait pas comment son père pouvait laver le véhicule avec de l'eau qui sortait d'un robinet. Mais en 70, il a trouvé que ce n'était plus possible et qu'avant, comme le corps humain survit à cause de l'eau, il disait que quand il avait 5 ans, on recommandait de boire 8 verres d'eau par jour. Mais en 70, il n'avait qu'un demi-verre. Et il se posait la question comment il allait vivre. Alors, quand j'ai lu cette lettre-là, je me suis dit, quand j'avais 5 ans, moi-même, Bonne année. Je me souviens que quand j'allais à l'école maternelle, j'avais 5 ans, c'était dans Chankuzo à Muyaga. Il y avait un cours d'eau qu'on traversait. Alors, moi, je ne pouvais pas traverser. Quelqu'un devait me mettre sur son dos et comme ça, je pouvais continuer. Mais aujourd'hui, ce cours d'eau a tari. Alors, je me dis qu'en 2040, mon petit enfant, qui a aujourd'hui 6 ans, il va se poser des questions. Avant, on nous disait on mangeait du poisson qui venait de la Tanganyika. Voilà, en 2040, il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de tilapia, il n'y a plus de sangal, il n'y a plus d'ondagara. Et qu'est-ce qu'il va dire? Finalement, nos parents, qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Alors, maintenant, les parents sont responsables parce que nous n'avons rien fait pour que nos enfants puissent avoir un lac Tanganyika qui reste toujours un réservoir d'eau douce. Et ça commence par où? Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une prise de conscience pour dire, voilà un trésor que Dieu nous a donné, conjuguons toutes nos énergies, comme il le disait, ces déchets que nous jetons dans la rue, comme ça, dans les caniveaux, qu'on ne jette plus ces déchets, comme ça. Et quand tu iras vers le port, avant, je me souviens, quand j'étais à l'université dans les années 80, il y avait des poissons, beaucoup de poissons là au niveau du port de Bujumbura. Aujourd'hui, quand je passe, il y a peut-être un poisson, etc. Pourquoi? Donc, c'est en 2040, il faudrait que les choses changent pour dire le Burundi, c'est la Suisse d'Afrique avec un beau lac, un trésor d'eau douce dans le monde. Ambassadeur Albert Mbonelane, merci. Merci beaucoup de votre participation et contribution à cette émission Mosaïque. C'est moi qui vous remercie parce que c'est le message va atteindre beaucoup de gens. Je me dis que demain, les choses peuvent changer parce que le lac Tanganyika ou bien la rivière Rusizi qui nous donne de l'énergie hydroélectrique, c'est vraiment un patrimoine commun. Si nous conjuguons les énergies avec Isanganiro, vous allez voir, le message va atteindre beaucoup de personnes et les choses vont changer. Merci beaucoup. Merci. Docteur ingénieur Martin Ndayizeye, directeur général de l'énergie au ministère de l'Hydraulique, de l'Énergie et des Mines. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à l'émission. Ok, merci beaucoup. Moi aussi, je fais un appel vibrant à toute la population de protéger l'environnement et de comprendre que c'est à eux et que c'est très important pour eux de protéger l'environnement et bien évidemment de protéger nos projets et nos projets qui sont bénéfiques pour eux-mêmes parce que l'énergie produite n'est pas consommée si la population ne la consomme pas. Ce sont les premiers bénéficiaires. Je vous remercie. Merci. Et c'est donc par ici que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur la gestion de l'eau en tant que ressource commune au niveau de la région des Grands Lacs. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Nous disons merci aussi à Vestine Boutoyi pour la réalisation. À la présentation, c'était Léonce Vitalio. Mosaïque. Merci d'être venu. Merci de votre contribution.